Faites silence. Qui sera le président ? Le tigre. Le tigre, le tigre, le tigre, le tigre. Le tigre s'en récuse. Le renard. Le renard, le renard. Le renard, le renard. Le renard dit qu'il est malade. Le serpent. Serpent s'est sifflé lui-même au fond d'un trou. Mais alors, il n'y a personne pour présider ? Qui est-ce qui se propose pour juger Jeanne d'Arc ? Je me propose pour juger Jeanne d'Arc. Qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous ? Ego Nominor Parvus, je m'appelle Cochon. Qui êtes-vous ? Pécuse de Pécor, prenez place à droite et à gauche et recevez vos insignes. Et maintenant, où est le greffier ? C'est moi, l'âne. Ah, et non, ah, des. Jeanne, successit illi preclaro tribunali, je veux dire qu'après de longs efforts, ce sage et illustre tribunal a enfin réussi par des moyens tour à tour suaves et sévères par de patientes et ingénieuses interrogations, tant physiques que morales, à élucider la vérité du fond d'une volonté égarée et d'un cœur pervers. Silence! Et maintenant, il a plu au roi de France et d'Angleterre, notre légitime souverain, de te convoquer ici pour entendre ta juste sentence. Tu vas jouir par quelles industries, dans sa grande miséricorde, cette cour sage et illustre que moi, cochon, je préside, a décidé de te débarrasser grâce à la flamme claire et du feu de ce noir démon à laquelle tu t'es criminellement enchevêtré. Mais auparavant, nous voulons encore une fois de ta bouche cet aveu solennel qui est nécessaire à la sécurité de nos consciences. À genoux. Johanna, filia Romae, fateris net confiteris, tetenerimam quellam non naturali, auxilio victoriam de manibus regis nostri, et vulsisse et forces exercitus eius sicut faliam in probrosissimam fugam versisse traduise. Jeanne, reconnais-tu que ce n'est pas par tes propres forces et des moyens naturels que tu es venue à bout des Anglais? Je l'avoue. Écrivez. Johanna, filia Romae, fateris ne et confiteris, te auxilio diaboli potentissimi alapum, dedisse regis nostro, et fortes exercitus eius, in probrosissimam, fugam versisse, traduise. Jeanne, reconnais-tu que c'est par l'aide du diable, tout puissant notre seigneur? Assis, quels idiots, assis au nom du diable. Jeanne, reconnais-tu que c'est par l'aide du diable que tu as tout fait? Je dis non. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit oui. Écrivez qu'elle a dit oui. Et maintenant, je vais consulter le tribunal. Pecus quidicis. Pecus quidicis. Habemus confitentem reum. Docti et sancti fratres, sic vobis justum et ecum videtur ut Johanna, filia Romae, striga, morte condemnatur? Moribus sia! Fiat voluntas regis nostri. Audivisti sententiam.